La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladoux, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladoux sur 227 6e Avenue à Dolbeau-Missassigny vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladoux au numéro de téléphone 418-276-4888. Stone, les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouffrance. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block, 1670 Boulevard Walberg, en face du restaurant Mike's, 418-276-8025. Stéphane Fortin et tout le personnel de Dolbeau Auto remercient leur distinguée clientèle pour leur encouragement et leur soutien pendant l'année qui se termine. Et profite de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incite à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbeau Auto au 1770 Boulevard Walberg à Dolbeau-Missassigny au numéro de téléphone 418-276-0580 et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. L'équipe de la SADC. On va parler du Canadien de Montréal avec notre collaborateur qui se trouve en Floride, le chanceux Stéphane Lebeau. Salut Stéphane! Salut, Danny. Stéphane, quel temps qu'il fait en Floride ce matin? Oui, il fait super beau depuis une semaine que je suis ici. Puis à chaque jour, là, c'est des journées splendides. Et puis on en profite pour prendre du soleil, jouer au golf et aller à la plage. Donc on agace un peu nos Québécois actuellement, mais il fait vraiment très beau et on en profite. Toi, par rapport à la Floride, par rapport à Miami, es-tu plus près de Miami? Es-tu plus près de Tampa? Je suis deux heures au nord de Miami. Je suis tout près de West Palm Beach. J'habite sur une place de golf. Ça s'appelle PG Village à Port-Sainte-Lucie. Okay. Donc, étant donné que je suis passionné de golf et mon garçon également, ben, on est bien choyé là, avec de magnifiques terrains. Dis-moi, vas-tu aux Panthers, vas-tu aux Lightning pendant la période des fêtes? Bien, cette année, il n'y a pas de planification en ce sens-là, mais j'ai déjà été effectivement, j'ai été voir à quelques reprises là les Panthers de la Floride. C'est quand même assez facile d'obtenir des billets. Ouais. J'ai été, lorsque le Canadien venait visiter les Panthers durant la période des fêtes, mais cette année, on a beaucoup de visites et on va regarder ça là, à la télévision, parce que quand même, ici en Floride, là, on couvre bien les matchs des Panthers. C'est quasiment, là, il y a beaucoup de Québécois qui s'en vont en Floride. Donc, je pense que vous pouvez même capter les postes du Québec là-bas, si je ne m'abuse. Oui, ouais. On s'organise bien, puis j'ai même eu la chance hier là, d'écouter les matchs canadiens sur la route à Ottawa et à Vancouver. OK. Dis-moi, Canadien, est-ce que la saison est terminée? Parce que, tu sais, on est quand même assez loin de Boston. Boston a plusieurs matchs en main. Tu sais, je veux dire, là, c'est un voyage déterminant. Est-ce que tu penses qu'on est c'est déjà trop tard ou vraiment là, il est minuit moins une? Parce qu'hier, Boston a gagné comme Buffalo hier. Là, soyons honnêtes, ça va être extrêmement difficile. Ça va être difficile de toute évidence pour le Canadien, pour plusieurs raisons, pour le retard qu'ils ont pris depuis le début de l'année, pour la qualité du hockey qu'ils offrent également. Pour moi, c'est une équipe fragile. Pour se replacer, il faudrait qu'ils amorcent une séquence de victoires de façon phénoménale. Et je vois pas le potentiel de cette équipe-là pour connaître un tel succès. Oui, on va connaître des bons matchs ici et là. On est capable de compétitionner. Mais pour dire qu'on va devenir une machine de hockey constante qui va dominer l'adversaire, je vois pas ça, à moins que Carey Price décide, encore une fois, là, de voler plusieurs matchs consécutifs. Mais il faut pas abandonner. J'espère que les Canadiens ne vont pas abandonner. Mais c'est certain là, qu'on est déjà dans une situation précaire. Et tu l'as mentionné, le voyage actuel là, pourrait être vraiment très déterminant. Avant la pause de Noël, le Canadien pourrait être très loin d'une place en série. Surtout que Shea Weber est pas là. Puis ça semble vraiment être inquiétant là-dessus, là, dans le cas de Shea Weber. Ben, évidemment, là, avec la profondeur qu'on a chez le Canadien, à presque toutes les positions, perdre un joueur comme Shea Weber qui donne tout près de 25 minutes par partie, un joueur dominant sur l'avantage numérique. Bon, le Canadien a battu Vancouver avec l'absence de Weber, mais à long terme, c'est une grosse perte qu'il n'y a personne actuellement dans le Canadien qui peut remplacer ces minutes-là. Donc, ça complique davantage la tâche du Canadien de se replacer dans le classement. Hey, dis-moi, Max Pacioretty, je parlais avec Joe Hardy la semaine passée. Joe qui disait qu'il semble perdu. Ben, c'est sûr qu'il est perdu. Je pense qu'il y a 2 buts en 15 matchs. Encore une fois, dans un match hier de 7 à 5, il y a eu 2 passes. Est-ce que c'est... Tu sais, dans le fond, là, est-ce que c'est juste à sa faute? Parce qu'il a perdu Radulov, il a perdu quand même plusieurs joueurs. C'est David Dernay, depuis le passage de Pacioretty, je pense que c'est David Dernay qui a été son meilleur joueur de centre. Tu sais, c'est un sniper, ce gars-là. Il faut qu'il soit alimenté, il faut qu'il y ait un vrai joueur de centre. Est-ce que tu peux mettre juste la faute sur un gars comme Max Pacioretty ou vraiment, là, ça y prend un joueur de centre pour jouer avec, puis c'est ce qui explique en grande partie ce qui se passe? Ben, Max Pacioretty doit prendre une partie du blâme de toute évidence. En tant qu'athlète, là, on a sa part de responsabilité dans nos insuccès, autant que lorsque ça va bien. Mais le hockey, c'est un travail d'équipe, et tu l'as mentionné. Pacioretty, c'est un joueur pas unique, mais particulier dans le sens que sa véritable identité, lui, c'est un marqueur. Et pour être un marqueur, ça prend la rondelle sur ta palette. Et il faut pas juste obtenir des tirs au but, parce qu'on voit que Pacioretty, actuellement, lance d'un peu partout. Mais est-ce que c'est vraiment des bonnes chances de marquer des tirs de qualité dans une situation là, propice à marquer des buts? Ça n'arrive pas. Et le concept offensif du Canadien est déficient. La ligne de centre est déficiente. Dano joue très bien. Drouin, par moment, fait de belles choses. Mais la chimie des joueurs de centre avec les ailiers, ça fait défaut chez le Canadien. On voit Galchenyuk aussi qui joue à l'aile, se cherche. Plusieurs ailiers se cherchent. Donc, oui, Pacioretty est à blâmer, mais il faut quand même être un petit peu indulgent envers lui parce que c'est pas le seul joueur chez le Canadien présentement qui en arrache. OK. Ben, c'est ça. Puis là, on parle de Jonathan Drouin. Puis moi, ce que j'aime pas, Stéphane, là, c'est des gens là, qui commencent à comparer Sergachev à Drouin. Tu sais, Sergachev, est-ce qu'il ferait ça à Montréal? Tu sais, faut se poser des questions. Tu sais. C'est facile à dire après quand tu vois les deux chiffres puis blâmer Marc Bergevin. Moi, je reviens toujours à dire prends ton commentaire au moment de la transaction puis vis avec. Moi, je trouvais que Jonathan Drouin c'est une bonne transaction pour les deux formations. T'sais, tu peux pas recevoir Jonathan Drouin sans rien donner en retour. Drouin, s'il produit pas, sa production est nettement à la baisse parce que c'est peut-être pas un joueur de centre non plus. Puis le fait que le Canadien n'a pas de joueur de centre, ben on l'envoie dans la mauvaise... Drouin est employé dans une mauvaise chaise, dans une situation qui ne l'avantage pas. Ben, je suis un peu d'accord avec toi, Danny, dans le sens que cette transaction-là, on l'analyse aujourd'hui. Ben oui, avec la saison phénoménale que Sergachev a, ben on a tendance à paniquer vite. Par contre, il faut le voir dans son ensemble, sur le long terme, pour aller chercher un joueur comme Drouin. Puis pour moi, Drouin, là, il est à découvrir. On reconnaît son talent, mais l'année passée, là, avec le Lightning de Tampa Bay, on a vu que c'était un joueur talentueux. Mais est-ce que c'est vraiment un joueur qui est capable de transporter à lui seul une équipe sur ses épaules? Je ne pense pas. C'en est un autre qui est un petit peu victime d'un style de jeu peut-être un petit peu trop conservateur, un peu trop défensif. C'est le genre de joueur qui bénéficierait beaucoup d'être mieux entouré, surtout avec des défenseurs beaucoup plus mobiles qui supportent beaucoup plus l'attaque. Donc, actuellement, Sergachev, il joue dans une équipe qui, justement, favorise les joueurs offensifs, les joueurs créatifs, et Drouin, c'est le contraire. Donc, soyons patients. On veut avoir des Québécois dans l'uniforme du Canadien. Marc Bergevin va chercher un bon joueur talentueux. Il faut donner la chance aux coureurs et puis être patient pour analyser cet échange-là sur le long terme. OK. On va faire une pause. Je veux te parler des déclarations de Carey Price. Toi, tu as joué avec Patrick Roy. OK. Tu connais Patrick Roy. Je sais pas si c'était en Floride. Est-ce que tu es au courant de la sortie de Carey Price de samedi après le match contre Ottawa? Tu es sûrement au courant que les médias, on a percé les dents là-dessus. Je veux t'entendre, parce que Carey Price fait... dans certaines personnes, c'est un des plus grands gardiens de but de l'histoire du Canadien. Moi, j'en doute beaucoup. Mais ça, c'est une autre histoire. Je veux t'entendre. Tu as joué avec Patrick Roy. Donc, vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec Stéphane Labeau sur les ondes de DanLadouSport.com. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté, puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 Boulevard Hamel, au numéro de téléphone 418-679-9494. Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. Stéphane Fortin et tout le personnel de Dolbeau Auto remercient leur distinguée clientèle pour leur encouragement et leur soutien pendant l'année qui se termine. Et profite de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incite à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbeau Auto au 1770 Boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-0580 et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. Stéphane, évidemment, je veux te parler de la sortie de Carey Price. Toi, t'as joué avec Patrick Roy, puis t'étais là en 93 quand Patrick Roy, et c'est ça qui a fait tourner le vent, là, tu sais, dans la série contre les Nordiques. T'étais dans le vestiaire, justement. Puis lorsque Patrick Roy a dit on donne trop de respect aux Nordiques, arrêtons de les respecter, puis c'est là que le vent virait de bord, puis le Canadien a gagné la Coupe Stanley. Carey Price est vu par certains journalistes, puis à la fin de la journée, à la fin de son contrat, il va être un des grands gardiens de but d'histoire du Canadien. Sauf que Bertrand Raymond avait un bon papier l'autre fois, puis il se posait la question, Carey Price, dans l'histoire du Canadien, au moment où on se parle, on le place où? Moi, je suis convaincu que Patrick Roy n'aurait jamais fait une sortie comme Carey Price a fait samedi soir. J'en aurais douté. Il aurait possiblement fait le contraire. Oui, tu sais. C'est difficile d'interpréter les paroles de Carey Price. Quel message a-t-il voulu lancer, soit aux journalistes, aux partisans, à ses coéquipiers? De toute évidence, c'est le fun qu'il ait du plaisir sur la patinoire, et puis il a le droit de l'avoir, le fun, surtout un match en plein air comme ça. Mais c'était comme s'il voulait passer le message qu'arrêtez là, de vous en faire une défaite au hockey, c'est pas très grave. Il y a des problèmes beaucoup plus graves que ça dans notre société. Et ce qui est vrai, puis on peut pas argumenter ça, mais c'est pas à lui de nous faire la morale, pas parce qu'on est des passionnés de hockey qu'on n'a pas le droit de voir que le Canadien éprouve certaines difficultés. Il aurait pu se garder une petite gêne en disant « Je me suis beaucoup amusé, mais j'aurais aimé obtenir un résultat différent. » Mais il embarque pas depuis quelque temps. Carey Price joue la carte zen, où rien semble l'affecter. C'est comme s'il était blasé de la présence médiatique ou des journalistes dans le vestiaire. Je trouve ça un petit peu désolant. J'espère que ça sera pas trop contagieux dans le vestiaire. Mais pour répondre aussi à ta question, Danny, où Carey Price se place? Actuellement, moi, je pense que Carey Price se place dans l'histoire du Canadien comme étant un bon gardien de but. Un petit peu comme José Théodore. José Théodore qui a connu une excellente saison à un moment donné, qu'il a gagné tous les trophées avec mérite. Mais José Théodore a été très bon. Mais est-ce qu'il a fait l'histoire du Canadien? Non. Présentement, je vois que Carey Price est un petit peu l'égal de José Théodore, c'est-à-dire un gardien de but qui a connu des bons moments en saison régulière, mais qui, en série éliminatoire, n'a rien apporté jusqu'à présent à son organisation. Ben, regarde, à ce compte-là, puis on vient toujours à l'histoire là, du Canadien. Moi, rappelle-toi, en 2010, lorsque Halak et Price étaient sur le marché des échanges, lorsqu'on échangeait Halak, c'est-à-dire... Puis c'était la grande question, c'est Halak ou Price, t'en rappelles de ça? Moi, tout à fait. J'ai toujours eu cette manière de penser là. Tu mets les deux sur le marché des échanges et celui que t'as plus, c'est lui que t'échanges. Et à quelque part, 8 ans après, c'est encore pas si mauvais comme affaire. Parce qu'Halak, là, tout ce qu'on voudra, t'as pas les chiffres à Price. Mais par contre, il a gagné deux séries lui de ça, ce que Price n'a jamais fait. Ben, initialement, il y avait eu le débat Price-Huet. Ouais. Et on avait choisi Huet. Après ça, il y a eu le débat Price-Halak. On a choisi de partir de Halak. Donc, on a toujours fait confiance à Price parce que c'était le sauveur annoncé. Ouais. Et obligé de dire que j'ai été un des grands, pas dénigreurs, mais sceptiques sur Carey Price. Dans les dernières années, force est d'admettre qu'il a bien fait paraître l'organisation, le Canadien, en faisant en sorte que ses prouesses en saison régulière permettent aux Canadiens de faire les séries éliminatoires et d'acheter un peu la paix. Mais ça s'est arrêté là. Lorsque c'est venu le temps, justement, de faire la différence dans les séries, jusqu'à présent, il ne l'a jamais prouvé. Je pense que c'est 4 séries gagnées en 10 ans de carrière à Montréal. Ouais. Bon, on va dire que ça prend une bonne équipe devant lui, de toute évidence. Mais c'est pour ça que j'ai encore ma réserve à savoir où se place Carey Price. Pour moi, il y a encore tout à prouver en série. Et là, il aura les 8 prochaines années avec un contrat très élevé devant lui pour nous prouver le contraire. Mais en attendant, il va falloir... Mais Stéphane, à 30 ans, il arrive à 31 ans. À 32, 33, 34 ans, la courbe d'un gardien de but commence à baisser. Ben, c'est certain, la fenêtre d'opportunité, ouais. Mais encore là, Danny, Carey Price dans le filet, avec une équipe ordinaire devant lui, ça fonctionne pas. Qui a gagné les 2 dernières Coupes cette année? C'est Matt Murray. Mm. Matt Murray, un inconnu, qui gagne à peine 1 million par année. Ouais. Et qui a gagné 2 fois la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh. Pourquoi? Parce qu'il avait une équipe solide devant lui. Donc, on a investi tout cet argent-là dans notre gardien de but et on oublie de mettre une équipe devant lui. Donc, ça sert à quoi vraiment d'avoir un gardien? Puis l'an prochain, il y aura 14% du cap salarial. Oui. 14%. Mais on achète la paix, Danny. On pense qu'avec Carey Price en santé, on fait au moins des séries. Puis depuis plusieurs années, on a l'impression que c'est l'objectif du Canadien. On achète la paix en faisant des séries éliminatoires. Sauf que cette année, cette recette-là, peut-être, va manquer quelques ingrédients pour se réaliser. Ouais. Hey, je veux pas te mettre en boîte, dans ta minute, Stéphane. Le Rocket de Laval, tu en parles beaucoup du Canadien, là, mais le Rocket, là, je pense que c'est 12 défaites à leurs 13 derniers matchs. On avait dit en début de saison que le fait qu'on allait à Laval, qu'on allait avoir une bonne équipe. Et, Marc Bergevin a emmené plusieurs jeunes, plusieurs vétérans pour que le Rocket fasse les séries. On pensait que le Rocket allait ça allait changer. Tu sais, t'as travaillé avec Sylvain Lefebvre, je sais pas, là, je veux pas te mettre en boîte, là. Moi, c'était ma plus grande déception de l'été. T'sais, c'est facile. J'ai toujours. Moi, je blâme pas Marc Bergevin pour avoir été chien joueur de centre. C'est facile pour aller chien joueur de centre. C'est plus facile à dire qu'à faire. Par contre, il n'y a eu aucun changement, puis ça, j'en ai parlé souvent, Stéphane, aucun changement dans le recrutement, aucun changement dans le développement, ce qui inclut Sylvain Lefebvre. Rocket de Laval a 12 défaites à ses 13 derniers matchs. C'est pas beau, là. Effectivement, le portrait n'est pas très joli. Oui. On n'en parle pas beaucoup, année, on n'en parle pas beaucoup. On veut peut-être éviter la controverse, mais cette année, de toute évidence, là, le Rocket a été touché là avec le rappel de Montréal. Ouais, à chaque année, bizarre, c'est comme ça. À chaque année, puis pour les autres équipes aussi. Donc, analyser juste la saison de cette année. Mais si on regarde depuis 6 ans, tu l'as mentionné, le recrutement, le succès dans l'équipe école n'est pas au rendez-vous. Et ça paraît au niveau de la profondeur de l'organisation. C'est des choix. Moi, je suis un gars de performance. Si j'étais dans cette situation-là, je me poserais des questions. À un moment donné, il faut connaître une forme de succès. Mais ça semble pas être une priorité pour Marc Bergevin. Malheureusement, on veut développer, mais on développe quoi actuellement? Oui, Charles Hudon, cette année, il est dans l'uniforme du Canadien, il connaît une excellente saison. Daniel Carr, qui vient d'être appelé, lui aussi, là, connaît des bons moments. Donc ça, c'est positif, mais sur le plan du résultat, il faut vraiment revoir notre définition du mot succès. Tu grandis, puis ça, Stéphane, tu vas d'accord avec moi, tu développes des jeunes dans la défaite, c'est pas bon. Ben moi, la philosophie, c'est qu'on peut développer dans la victoire. Idéalement, c'est ça. On veut que les jeunes apprennent à gagner. Faire des séries éliminatoires, connaître l'expérience des séries. Depuis 6 ans, je pense que l'équipe filiale n'a participé qu'à une série. Donc, on espère que éventuellement ça va se replacer, mais quand on regarde la profondeur des jeunes dans l'organisation, on peut penser que ça va être encore difficile pour plusieurs années. Oui, effectivement. Stéphane, je te souhaite... on va s'en parler pour la période des fêtes, donc pour ta revue de l'année. Donc, je te souhaite une bonne période en Floride, puis on s'en reparle prochainement. Bien, merci, Danny. À bientôt. Stéphane Lebeau, notre collaborateur.